journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang au froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. On les éclate sans plus devenir gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le plein circuit dans les coins. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qu'hier t'en vient, aujourd'hui te jugerai. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial, tu perds ton sang-froid.